قاعدة سادسة، يجي أسماء الله تعالى غير محصورة، ما شاء الله سلالي بي. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. طيب لي ديجا سيت ريغلا ايوا سا سي لا ريغل كوميان il ne se limite pas les noms d'Allah. Il n'y a pas de limite au nom d'Allah. Vous allez voir le hadith. Maintenant, vous allez me dire où est le hadith 99. Hein? Ça, il va y avoir une réponse sur cela. D'accord ? Mais les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités. Et vous allez voir la illa. Vous allez connaître la raison pour cela. Taïb. أيوة غتنسا أو استأثرت به في علمي إيش الغيب عندك سجد ضاع علم العيب الله سيقعدي دينو علوي علوي مم et le prophète صلى الله عليه وسلم comme il ne connaît pas comme il ne connaissait pas ces noms là qu'est-ce qu'il a dit il a demandé hein même ces noms que je ne connais pas سبحان الله العظيم عجيب hein et ça prouve quoi ça prouve que ces noms ne sont pas limités parce qu'il peut y en avoir plusieurs vous avez compris ça inchallah. طيب ensuite il dit Vous avez compris la jonction entre ces textes-là, d'accord? Te dis, moi par exemple, je te dis, j'ai 100 euros. Vous me suivez? J'ai 100 euros. Tiens, est-ce que ça veut dire que j'ai que 100 euros? Non. Ça, là, là. Ça se trouve, j'ai 200 euros. Ça se trouve, j'ai 101 euros. Très. Vous avez compris, Inch'Allah? Le hadith ici, hein? Il n'est pas en contradiction avec ce, hein, avec ce hadith-là. Pourquoi ? Il te dit Allah, il a gardé des noms auprès de lui. D'ailleurs, il y a un kalam sur le hadith des 99 noms. Il y a un kalam dans le sens où certains le da'af. Il n'a pas que ces noms-là. Puisque dans un autre hadith, il dit qu'il a. Il a quoi ? Il a d'autres noms. Comme celui-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc c'est ça que tu dois retenir, toi. Et ce que tu dois retenir, surtout, c'est la jonction des textes. Le rassemblement des textes, afin de quoi ? Al-jam'a bayna an-nusus hatta tu'ti hukman. Jamais toi tu prends une partie des textes. Parce que moi si je viens avec soit cette partie-là des textes, ou soit cette partie-là des textes, je peux te faire croire ce que je veux, c'est vrai ou c'est faux ? Vous avez compris ? Tandis qu'un hukm shar'i, on l'établit comment ? Une règle juridique, comment on l'établit ? Avec la jonction de tous les textes sur ce sujet. Et sur les noms d'Allah ici, il y a des textes, mais il y a d'autres textes qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, hein, n'a pas seulement 99. Relis cette partie-là. Là. Ah, pas, il aurait dit ça, le prophète. Il n'aurait pas dit hein, 100 moins 1. Mafhoum. C'est pas le dénombrement qu'il a voulu, le prophète. Il regarde, suis, continue le. Le. Iden, fais ma'na. Hein. Je les ai préparés pour en faire un bon. Cela n'inclut pas le fait que tu possèdes d'autres dirhams qui n'ont pas été. Cela n'inclut pas le fait que tu possèdes d'autres dirhams qui n'ont pas été comptés pour être offerts à en nous. Vous avez compris? Comme je vous ai donné l'exemple. Khalas, il a préparé que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il a pas plus? Non. Vous avez compris? Surtout qu'il y a un hadith qui nous le prouve qu'il a plus. C'est quoi? Ilm al-ghayb. مفهوم؟ فهمتم هذا يا إخوان؟ خلاص حديث لا على كل حال. ensuite il dit il y a un autre le tahqiq du hadith ensuite. طيب. ça خل إن شاء الله on va le faire pour la prochaine fois. vous lisez le ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم تعين هذه الأسماء والحديث مروي عنه في تعيينها ضعيف. C'est-à-dire le hadith là qui vient qui dit tel nom et tel nom et tel nom hein, avec ta'iniha, c'est-à-dire le fait de dire celui-là, le hadith qui dit celui-là, le hadith qui dit Na'am, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Akhiré, d'accord, celui-là, il y a un kalam de ulama dessus et qui dit exactement il y en a 99. Mafoum, Tayyib, ce hadith-là, il est da'if. Walakin, 99, non, 99. Hein, il y a 99, mais le ta'yin, de dire tel nom et tel nom et tel nom, là, هذا فيه ما فيه. Il y a un kalam de ulama dessus. À la kulli hal, on verra la prochaine fois, inshallah, le complément de ce dars-là. Juste pour vous rappeler une chose, al-ihsa ici, quand il dit man ahsa dakhal al-jannah, celui qui les connaît, il rentrera au paradis. Les connaître, les ulama ont dit, c'est les connaître, effectivement, par cœur, hein, les connaître, et les mettre en application. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Les mettre en application dans la vie de tous les jours. Ar-Rahman, tu sais qu'Allah est le Rahman. Tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, yuhi wa yumit, etc., etc. Toi, tu les mets en application dans ta vie de tous les jours. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tu vis avec les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où tu les mets, par exemple, Samir, tu fais attention à quoi? À ce que tu dis. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, à chaque fois que tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas, comment dirais-je, penser au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Samir, qui l'entend tout. Et là, c'est ça le fait, c'est ça le véritable ihsa, c'est-à-dire le véritable compte, le fait de connaître, les compter et les connaître. Vous avez compris? Ce n'est pas seulement, hein, je les apprends par cœur comme ça, hein, et ensuite, je ne les mets pas en pratique. Il y a même des soufis qui le connaissent par cœur, mais ils ne les mettent pas en pratique. Vous avez compris, c'est Inch'Allah, ils ne les mettent pas du tout en pratique même. Parce que si vraiment ils les mettaient en pratique, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Taïb, vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc on fera, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, sauf s'il y a quelque chose la semaine prochaine. Il y en a qui veulent aller à la Daoura, il y a une Daoura. Hein? Vous voulez aller à la Daoura? Hein? Ouais, vous voulez y aller à la Daoura? Vous y allez? Taïb, khalas. Alors, dans ce cas-là, il n'y aura pas quoi la semaine prochaine.